Quand bien, quand bien, on a déjà chanté le chant. Moi, je me rappelle du 33 tours, hein? Peut-être que c'est un santé. Non, il me semble que c'est un 33 tours. Tino Rossi. Tino Rossi. J'avais reconnu la voix. Tino Rossi. Il me semble que mon père avait acheté ça, un 33 tours. Voilà. Donc, j'avais reconnu, hein, pour certains, la voix de Tony Rossi, qui chante Noël, c'est l'amour. Il y a une église qui arborait une crèche sur sa devanture avec une enseigne. Pardon, allô? Ok, reviens. Ok. Avec une enseigne qui disait it's about love. C'est par amour. Hein? Il y avait une crèche. Je me disais que nous-mêmes, ici, on aurait pu faire facilement une crèche. Arborer une crèche sur notre pelouse. Mais ils avaient mis une enseigne donc qui disait que la scène de Noël, de la nativité, alors c'est ça nous parle de l'amour. It's about love, c'est par amour. Ou bien on pourrait dire en français, c'est une question d'amour. Noël, c'est une question d'amour. Mais je suggérais, comme le titre que j'ai mis au début, que c'est l'amour avec un plus. L'amour qui se décline avec justice. Veux-tu reculer, Lado, s'il te plaît? Justice dans le sens que le dictionnaire dit que la justice est la reconnaissance, respect des droits de chacun, de l'équité. On parle d'agir selon la justice. Donc, l'amour, oui, mais l'amour qui s'accompagne avec la justice. On pourrait dire que l'amour sans justice est un amour qui est creux, un amour sentimental. On va dire en anglais, mushy, mushy love. Je t'aime, et puis, mais je veux dire, ça reste là. C'est seulement des paroles ou des gestes, mais sans que ça soit suivi d'une action. Qui amène la justice, ou bien donc l'équité. Donc, c'est pourquoi on va parler ce matin de l'amour avec un plus. Le vrai amour devrait nous conduire à l'équité et agir avec justice. Jacques Brel, dont ce n'est pas nécessairement mon chanteur préféré, par contre, c'est le chanteur préféré de Christian Dubuc et Suzanne, et puis à un moment donné, m'avait prêté toute la série de la discographie de Jacques Brel. Il y a une chanson, entre autres, que Jacques Brel chante, que j'aime bien, qui s'intitule « Tant on a que l'amour ». Oui. Donc, on va l'écouter, OK? Combien aime Jacques Brel? Écoutez bien les paroles. Pour les mots de la terre, en simple tombe à nous. quand on a que l'amour, à offrir à ceux-là, nous l'unique combat, et de chercher le jour. Quand on a que l'amour, pour tracer un chemin, et penser au destin, à chaque carrefour. Hein? Des belles paroles. J'aimerais qu'en plus, j'aurais aimé faire défiler les paroles en bas de du vidéoclip, mais j'ai pas assez de connaissances dans le domaine de PowerPoint pour pouvoir le faire. Donc, j'ai mis les paroles maintenant, après. Donc, quand on a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, t'es notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour t'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Maintenant, voici ce que j'aime bien. J'aime cette partie aussi, là. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir le soleil, la laideur des faubourgs. Est-ce qu'on peut penser à des gens qui vivent dans des faubourgs, la laideur des faubourgs? Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, quand on a que l'amour pour habiller le matin, pauvre et malandrin, de manteau de velours, quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre et simples troubadours, quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Ça fait-tu penser à quelque chose, ça? L'amour face au canon? La place de Tiananmen? Alors, sans savoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Ben, je pense que dans cette chanson-là, Jacques Brel est en train justement de dire que l'amour se décline avec la justice. Que l'amour sans la justice, sans l'équité, demeure un mot qui est vide de sens, qui est creux. J'aime aussi la version, l'adaptation anglaise que Jacques Brel a fait. Ce n'est pas une traduction, mot pour mot, de la chanson en français. C'est une adaptation qu'il a fait en anglais. Mais j'aime bien certaines des paroles où il dit « If we only have love, then tomorrow will dawn and the days of our years will rise on that morn. If we only have love to embrace without fears, we will kiss with our eyes. We will sleep without tears. » J'aime, là, c'est dit, on va embrasser avec les yeux. Cette parole de Peter Ustinov qui dit « L'amour qui devient un regard de tendresse sur les gens. » Plus tard, à la fin, il va dire « If we only have love, we can reach those in pain. We can heal all our wounds. We can use all our names. » Et là, c'est la strophe que je préfère entre tout. If we only have love, we can melt all the guns and give the new world to our daughters and sons. C'est bien comme parole. Si on a l'amour pour faire fondre les canons et pouvoir donner ce nouveau monde, ce nouveau monde qui naît de paix, d'harmonie, le donner en héritage à nos enfants. L'Avent, on est dans la période de l'Avent. A-V-E-N-T et non pas A-V-A-N-T. Alors, si on dit « avant » avec un « e », c'est, ça vient du mot latin « adventus », qui veut dire « avènement ». Alors, c'est... Puis là, si on dit « avant », on n'est pas en train de dire « bon, on est en train de fêter avant Noël », mais on est en train de se préparer à l'avènement. Pas un seul avènement. Parce que là, si on fête l'avant, on célèbre, premièrement, c'est l'Église qui se rappelle, hein, c'est la mémoire. On se met en mode de se souvenir de, d'un premier avènement, puis de deux autres avènements aussi, de se souvenir d'un premier avènement, à savoir la première venue de Christ, celle de l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem, annoncée par les prophètes du Premier Testament. Deuxièmement, la mémoire que par la naissance de cet enfant, le Fils de l'homme a inauguré la phase de ce que Pierre appelle dans ces temps qui sont les derniers. C'est-à-dire, par la naissance de Jésus, Jésus a inauguré cette phase finale qu'on appelle les derniers temps, la phase du royaume de Dieu. Parce que Jésus a inauguré ce royaume de Dieu. Et troisièmement, l'Église se souvient qu'elle doit annoncer que le Fils de l'homme revient pour la pleine réalisation du règne de Dieu pour l'humanité et la planète. C'est ça l'avant. On se rappelle de trois choses. On associe souvent l'avant à une période d'attente. Parce que souvent, dans les églises qui suivent la lecture du lectionnaire, lorsqu'on a toujours, dans ces églises-là, on a tout le temps la lecture de l'Ancien Testament, d'un évangile, d'un épître et d'un psaume. Et souvent, les évangiles, on va faire la lecture des paraboles. Des paraboles qui nous parlent de l'attente, comme les ouvriers, etc. Hein? Et puis, donc, on va associer souvent cette période-là de l'Avent comme on attend, comme les Israélites, hein, ou les saints de l'Ancien Testament attendaient la venue du Messie, ben nous, on attend le retour de Jésus. Fait qu'on associe avant puis attente, plutôt passive. Mais j'aimerais plutôt vous suggérer ce matin, surtout avec les textes que nous avons lus d'Ésaïe chapitre 11, et puis de Luc, on va s'attarder surtout à Luc la semaine prochaine, que plutôt de parler d'attente, qu'il serait plus propice de parler d'aspiration. Que Ésaïe, le texte d'Ésaïe, nous parle d'une aspiration que nous avons. Quand je pense à aspiration, je pense entre autres au Notre Père. Lorsque Jésus nous a enseigné comment prier, hein, le Notre Père qui dit... que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parfois, il y a des événements. Hein? Je sais qu'on a des événements dans nos propres vies. Hein? Il y a des drames dans nos familles, dans nos vies. Il y a des drames aussi dans le monde. Et puis, il y a parfois des situations mondiales qui dépassent notre entendement, parfois aussi, hein, qui dépasse notre façon d'agir sur ces événements-là. Mais souvent, je me réfugie dans cette prière de Jésus qui dit « Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Parce que, Seigneur, cette situation-là nous dépasse, mais c'est une aspiration de dire « Que ton règne vienne. » C'est un peu comme on appelle, hein? On appelle, puis on aspire. Je veux dire, c'est un soupir d'aspiration. On aspire après quelque chose. Ça me rappelle quand j'étais en Haïti, puis on devait il y a certaines situations dont on devait avoir recours à un avocat. Et puis, alors que j'étais assis dans son bureau, et puis j'avais toutes ces préoccupations, j'avais comme lâché un profond soupir. Hein? Puis elle m'avait rappelé que « car tes soupirs n'a pas ce qu'il désire ». Et j'ai dit « en effet, si je soupire, c'est parce que je n'ai pas ce que je désire ». Le texte d'Ésaïe est dans ce sens-là, hein, et dans ce registre, que Ésaïe n'a pas ce qu'il désire, il soupire, il y a une aspiration. Ésaïe semble penser que c'est l'amour de Dieu qui va amorcer un règne de justice, de bonté et d'amour. Parce que c'est de ça qu'il a parlé, là, hein, dans la lecture qu'on a lue. Bon, on va s'arrêter un peu à certains de ces versets. Au verset 1, Ésaïe va dire « Un rameau poussera sur le tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. » L'image que Ésaïe peint, hein, est porteuse d'espoir. Là, s'il parle d'Ésaïe, il parle du père de David. Il est en train de dire qu'un nouveau rameau va pousser du tronc mort un roi qui sera un descendant d'Ésaïe et David, mais un roi nouveau genre. Cette semaine, dans le beau parc La Fontaine, alors que je suis allé un matin pour faire ma promenade, et puis, mais pas pour méditer, méditant en marchant. Mais c'est un coin du parc La Fontaine, c'est ce qui donne sur l'avenue du parc La Fontaine. Et puis, c'est un coin où on peut voir le lac. Et puis, l'été, vous pouvez souvent me retrouver là, le matin. Ou l'après-midi, à la fin de l'après-midi, à lire. Hein? C'est un lieu que je me sers pour faire ma lecture. Il y avait des gros arbres qui jettent de l'ombre, alors surtout l'été quand il fait bien chaud. Et cette semaine, quelle tristesse quand je suis allé au parc et je me suis aperçu que le jour auparavant, ils avaient coupé un des gros arbres que vous voyez, un des gros arbres qui jette de l'ombre. Et puis, ça me faisait penser justement, hein, le tronc, non, c'était ce tronc mort, et que je m'imaginais un rameau, là, hein, un rameau qui sort de ce tronc mort, qui va faire naître un arbre plus imposant que le premier, et puis qui va me redonner de l'ombre dans ce parc. Mais c'est un peu ce que Ésaïe est en train de dire. Hein? Que d'un tronc mort, sans vie, Dieu va faire naître un roi nouveau genre, totalement différent de ce que Israël a connu. Au verset 2, Ésaïe va dire « L'Esprit de Dieu va reposer sur ce nouveau roi. » De même que l'Esprit de Dieu avait reposé dans l'Ancien Testament sur Moïse, David et bien d'autres, hein, chefs du peuple d'Israël, leur permettant de réaliser des exploits, de faire des choses grandioses, parfois même des choses qu'on aurait cru impossibles. Hein, on pense à Élie. Ils disaient les miracles qu'ils ont faits. Et puis, de par l'Esprit de Dieu qui reposait sur eux, ils ont accompli ces exploits-là. Alors, Ésaïe est en train de dire que ce même Esprit-là de Dieu va reposer sur ce roi nouveau genre. Et entre autres, Ésaïe énumère 6 dons de l'Esprit. 6 dons que l'Esprit va manifester dans ce nouveau roi. Dons. Le discernement, la sagesse, hein? Le conseil, la force, la connaissance de Dieu et l'attachement à Dieu. Je me disais, en regardant ces six dons de l'Esprit qui reposent sur le roi Nouveau Jean, je me disais, voilà une belle prière pour nous, quand on prie pour quelqu'un. Hein? Parce que Isaïe est en train de dire que l'Éternel va faire reposer son esprit sur ce nouveau roi, et ça va lui donner l'attachement au Seigneur. Alors je priais. Alors j'ai pris un temps pour prier que le Seigneur puisse me donner à moi, de m'attacher à lui, mais aussi à d'autres personnes à qui je pensais, et que je priais en disant, Seigneur, donne-lui le don de s'attacher à toi. Donne-lui le don. Alors, c'est une prière qu'on, hein, ça peut nous inspirer lorsqu'on prie pour des gens. Alors, il y a une incertitude hein, par rapport à la datation du livre d'Ésaïe. On ne sait pas exactement à quel moment qui a été écrit. On parle d'ailleurs qu'il y a probablement plusieurs auteurs du livre d'Ésaïe. Il n'y a pas un seul, au moins deux, mais peut-être plus. Mais au moment où on pense, hein, la plupart des exégètes pensent que probablement qu'il a été écrit au moment où que le royaume du Nord, hein, composé des 10 tribus d'Israël, le royaume du Nord avait été envahi par l'Assyrie et emporté en départ. Hein, il avait été déporté. Le royaume du Sud, composé de Juda et de Benjamin, était aussi menacé par la Syrie. Alors, certains croient que Ésaïe est en train de mettre en contraste Ézéchias et ses conseillers douteux, oui, merci Martin, il est en train de les mettre en contraste avec ce nouveau roi, ce nouveau genre que Dieu va donner à Israël. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 5, Ésaïe va avoir ses paroles très dures pour les conseillers d'Ézéchias, en disant, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. » Donc, certains croient qu'il y a un contraste, qu'il met Ézéchias en contraste avec ce que Dieu va produire comme nouveau roi. Un commentaire que j'ai bien aimé sur Ésaïe dit ceci. Un nouveau roi, voilà ce que Dieu va produire. C'est ce qu'Ésaïe annonce. Un nouveau roi guidé par l'Esprit de Dieu va s'asseoir sur le trône de David. Il ne sera pas seulement un roi, mais un juge hors pair. Non seulement il inaugurera de nouvelles possibilités dans la politique d'Israël et son administration de la justice, mais aussi de nouvelles possibilités dans la création elle-même. En fait, la création sera si bien réordonnée qu'un nouveau sens de ce qui est normal sera établi. Bien dit, hein? Non seulement de nouvelles possibilités sont créées. On a dit quelquefois que nous aimerions faire l'Église autrement. Combien pensent que ce serait le temps qu'on fasse aussi la politique autrement? Ésaïe suggère que ce nouveau roi va faire la politique autrement. Il y a de nouvelles possibilités. Il va non seulement être un roi, mais un juge. Il va faire des choses différemment. Il va prêter l'oreille aux faibles, aux malheureux. Et finalement, dans les derniers versets que nous avons lu de ce texte, où il y a un ordre nouveau par rapport à la création, hein, où le lion est avec l'agneau, la vache qui broute avec l'ours. Le monde est réordonné. Il y a un autre commentaire de Walter Brueggemann, toujours par rapport à ce passage, qui dit que ce texte nous parle de la naissance d'une nouvelle innocence dans laquelle la confiance, la douceur et l'amitié sont possibles dans le monde. Sont possibles et appropriés. Ouais. La naissance d'une nouvelle innocence dans laquelle la confiance, la douceur et l'amitié sont possibles et appropriées. Est-ce que vous aspirez après ça? Est-ce que vous ressentez Ésaïe qui est en train d'aspirer après cette possibilité-là d'un monde meilleur, d'un monde différent? Prochaine diapo. Je vais citer encore Walter Brueggemann. Une citation très pertinente. Il faut bien lire chaque mot. Il va dire, dans un commentaire qu'il fait de l'ensemble du chapitre 1 à 39 d'Ésaïe. Là, ce n'est pas seulement sur Ésaïe 11, mais il fait un commentaire, un résumé de l'ensemble du chapitre 1 à 39. Puis il va dire, il s'agit d'une vision quelque peu différente du Jésus que beaucoup d'entre nous avons eu depuis l'enfance. Hein, si ce texte-là nous parle de Jésus, là, eh bien, c'est un Jésus très différent de ce que nous avons appris de notre enfance. Le petit Jésus de la crèche. Hein? On l'entend souvent, ça, peut-être moins maintenant, mais auparavant, on entendait parler du petit Jésus de la crèche. Il va nous dire que Ésaïe nous parle d'un Jésus tout à fait différent. Dans la mesure où ce texte, avec sa saveur clairement messianique, peut servir d'illumination sur la personne de Jésus, il nous rappelle que Jésus ne peut pas être réduit au salut personnel ou aux exercices sacramentaux, mais que Jésus a été reçu, célébré, et finalement crucifié, précisément pour son incarnation et la mise en application de cette vision des possibilités sociales. Méditez ça. Je pense que je vais mettre la citation sur le blog, pour que vous puissiez la relire. Puis c'est heavy ce qu'il dit là. Hein? On l'a déjà dit, on en a déjà parlé, mais c'est bon de l'entendre différemment. Que le projet de Dieu ne se réduit pas au salut personnel, à aller au ciel, hein? À une police d'assurance. Je suis sauvé. Mais il inclut une transformation de la société. Il inclut une application maintenant dans les structures sociales de notre monde. On peut parler d'un renversement de l'ordre établi. Hein? Ésaïe, là. Surtout les versets 6 à 9, surtout ces versets-là. Là. Il y a un renversement de l'ordre établi, un bouleversement des structures, je dirais même un éclatement de l'injustice systémique. Hein? L'injustice qu'on retrouve dans le système. Lorsque je préparais cette méditation, je pensais, entre autres, au gouvernement Charest, qui refuse une commission d'enquête sur la collusion dans l'industrie de la construction. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que c'est systémique. Parce qu'il y a une injustice qui se vit. Ce n'est pas seulement des individus fraudeurs, arnaqueur, magouilleur, mais c'est un système, ça a pénétré le système du gouvernement, du politique. Puis là, il faut quelque chose pour briser ce système, ou le mal est systémique. c'est plus seulement des individus, mais c'est le système même, c'est le gouvernement même qui devient complice d'eux. Je pose une question comme ça. Se peut-il que l'Église comme institution, je parle de l'institution, l'Église, se peut-il que l'Église comme institution ait été complice de perpétuer des injustices dans le monde? On pense lorsque une partie de l'Église fermait les yeux sur l'esclavagisme. Ou encore aujourd'hui, on entend des propos qui au nom de l'Église. Hein? Il y a même un diaporama qui circule 2 ou 3 fois cette semaine par rapport à une église luthérienne là, aux États-Unis. Là. Ouais. Et puis ça circule. Et l'Église, par son propos, par ses propos, par le discours qu'elle tient, elle entretient la haine parfois, elle entretient la discrimination, les préjugés. Ouais. On s'entend? Tu veux dire quelque chose, Jules? Je pensais juste à ce qui s'est passé avec Obama. Exactement. OK. Verset 6 à 9. On va terminer par regarder ces versets 6 à 9. Okay? Si on ouvre dans nos Bibles, 6 à 9, puis qu'on regarde les questions de le loup qui va vivre avec l'agneau, la panthère qui paie au côté du chevreau, le veau, le lionceau, le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches, les ours qui broutent côte à côte. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid d'un cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. C'est une vision d'avenir, hein? Right? D'un paradis retrouvé. C'est l'Éden, hein? L'Éden retrouvé. Mais je posais une question. Est-ce que cette prophétie, ou est-ce que Ésaïe aspire à un monde meilleur? Aspirez-vous à un monde meilleur? Oui. Aspirez-vous à un Montréal meilleur? Espérons qu'ils vont mieux gérer l'enlèvement de la neige cette année. On aspire. Retenez le mot aspirer. Ésaïe aspire à quelque chose de meilleur. Et là, je me posais la question, est-ce que cette prophétie s'est déjà réalisée dans une certaine mesure? Ah, là, je vous embauche un coin. Okay, mais ce qu'il parle du verset 6 à 9, l'ours, le lion, la vache. Il ne mange pas encore de l'herbe, désolé. Puis je ne mettrai pas un chevreau à côté d'un lion. Okay. Mais là, c'est pourquoi ma question est, est-ce que cette prophétie s'est déjà réalisée, peut-être de façon allégorique, dans une certaine mesure, dans d'autres domaines? Est-ce qu'on peut... Toi, tu dis dans l'art? Oui, j'ai vu plein de toiles qui parlent de ça. OK. Mais si on parlait du pratique, du pratico-pratique, est-ce que cette prophétie, cette aspiration d'Ésaïe, est-ce que d'une certaine façon, dans une certaine mesure, est-ce que déjà cette prophétie est en voie d'accomplissement? Ou est-ce qu'on la voit? Parce que peut-être littéralement le bœuf ne mangera jamais avec l'ours, je ne sais pas. Ça peut être une métaphore. Mais peut-être que oui, peut-être que ça va arriver littéralement. Sinon, est-ce qu'il y a des domaines qu'on réalise que cette prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser. Alphonse, Tom, donne un exemple. Nous regardons aujourd'hui, maintenant, de par ce que la politique est en train de soutenir, mais le monde, quelque part, il est interdépendant. Il y a toujours l'interdépendance, les gens arrivent quand même à se mettre d'accord sur certains points. D'autres? Martin? Je pense juste à tout ce dont Bono, chanteur de YouTube, est impliqué au niveau justice sociale. Hein? Ouais. Alors, c'est une forme de solidarité au niveau d'aider des gens, soit dans la pauvreté, dans certains pays, ou bien des fois, il parlait du SIDOM, qui avait une forme de focus, là, il y a peut-être une décennie de ça. Puis je pense qu'il peut-être peut avoir un certain début de mouvement, un début de rameau, pouce vert, je peux dire. Là. Mais disons que. Fait l'analyse profonde là-dessus, mais j'aurais peut-être plus l'impression que c'est ça sera lorsque lors du retour de Jésus, t'sais. Mais qu'avant, il y a comme des phases préparatoires positives, peut-être parce qu'il y a une forme de poussée qui se fait. Okay. C'est pas évident, parce qu'on est tellement focussé par le fait qu'il y a des choses désagréables qui se passent à la planète. Là. Alors, mais quand j'entends comme Copenhague disait Daniel au début, là, ben voilà, un petit au moins un genre de désir de certains consensus, malgré que le Canada et le Québec sont pas pareils au niveau des exigences là-dessus. Ouais. Je vais vous mettre une puce à l'oreille, OK? Ouais. Je pensais, quand je posais cette question, par exemple, je me disais le texte, je pense à cette question, parce que c'est beau l'avenir, hein, aspirer. Mais est-ce que c'est en train de se produire? Est-ce qu'on peut aspirer que maintenant, dans le temps présent, dans la société, des choses semblables se produisent? Je pensais au contraste entre, disons, Mère Teresa, l'abbé Pierre en France, Sœur Emmanuelle en Belgique, et les politiciens futés, les gens d'affaires avides et rusés, sans scrupules, mais dont Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre ont su saluer ces faucons de la politique et de l'économie pour les allier à leur cause. Moi, je voyais là la brebis innocente, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, des gens humbles, et avec aucune possibilité de richesse, mais qui ont su aller chercher l'argent de ces faucons-là pour transformer une partie de la société. Et je me disais, mais c'est Ésaïe, chapitre 11, verset 6 et 9, qui se réalise. Où est-ce qu'on voit ces animaux sauvages cohabiter et même aider ces animaux domestiques à faire le travail du royaume de Dieu? Je pensais entre autres à Tommy Douglas, qui a été premier ministre de la Saskatchewan, et puis aussi ça a été le premier chef du nouveau Parti démocratique, hein, le premier. Tommy Douglas était un croyant engagé dans sa foi. Ça fait partie de l'histoire canadienne. Tommy Douglas, dont le souci numéro un était la création de l'assurance maladie. Si on a l'assurance maladie aujourd'hui là, au Québec, c'est à cause de Tommy Douglas. Parce que la première province à avoir l'assurance maladie, ça a été la Saskatchewan, du temps où il était premier ministre. Parce qu'il a un souci de la justice sociale. Et pour lui, c'était un crime que certains puissent se faire soigner parce qu'ils avaient l'argent et de voir d'autres, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, mourir. Comme ça se passe aux États-Unis. C'est pourquoi Barack Obama mène un combat par rapport à l'assurance maladie aux États-Unis. Bien, Tommy Douglas, de par sa foi, c'est par une conviction religieuse, une profonde conviction qu'il avait de la justice sociale. D'Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9. C'est ce qui l'inspirait. Et ça a été son combat, le combat d'une vie. Et puis, suite à ça, lorsque Lester Pearson, hein, qui était le premier ministre du Canada, a vu comment que le projet marchait bien en Saskatchewan, c'est là qu'en 1966, Lester B. Pearson a créé un tel programme pour l'ensemble l'ensemble des provinces, dont hein, le Québec, maintenant, on a notre propre système. Mais voilà un homme qui a su, hein, qui a su, les faucons, là, les gens sans scrupules, les compagnies d'assurance, les cadres de ces grandes compagnies-là, ont donné de la misère à cet homme-là. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce programme-là se réalise. Eux perdaient de l'argent, là. Mais contre vent et marée, il a réussi son projet. Mais pour moi, c'est Ésaïe 11, 16, 6, 9. Que cette prophétie, cette aspiration d'un changement. J'allais dire à notre petite échelle, à nous. Quel temps pouvons-nous corriger? Comment pouvons-nous contribuer à faire se redresser des torts et des injustices? À notre petite échelle, à nous. Mais moi j'ai vraiment le goût, je disais à ma retraite, donc quand les enfants vont me donner plus de temps, je trouve que les enfants pauvres, ils ont pas, c'est pas vrai qu'ils partent égal dans la vie pour l'instruction, pour apprendre à lire, à écrire, tout ça. Souvent, ils sont démunis de toutes sortes de façons. Puis je trouve que tout ce que le docteur Julien fait, c'est vraiment bien. Ça répare des injustices, ça aide des enfants. Puis moi, j'ai le goût d'aider avec ce que je peux, d'aider pour la persévérance scolaire, pour aider des enfants, travailler l'aide aux devoirs, puis aider les familles aussi, comment aider son enfant à l'école et tout ça. Puis j'ai vraiment ça à cœur. Parce que quand tu donnes à un enfant, que tu lui fais aimer la lecture, tu lui ouvres beaucoup de portes dans la vie. Oui. D'une façon, voilà. C'est oui. C'est pourquoi je dis à petite échelle, à petite oui. Échelle. Parce que des fois, on se dit, ah, mais qu'est-ce que moi, je peux faire? On est là à aspirer, comme Ésaïe, un monde meilleur. Noël nous parle de ça. Christ est venu. Christ est venu. Premier avènement. Et en venant, il a amorcé, il a inauguré le royaume de Dieu. On est dans cette phase. Maintenant, la pleine réalisation d'Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9, ça veut dire qu'un Christ va revenir. Hein? Et peut-être que littéralement, on verra le lion avec l'agneau. Mais déjà, je pense qu'on le voit dans une autre sphère, dans un autre domaine de la vie. Voilà.